Réconciliation par Johann Wolfgang von Goethe. Enregistré par Christian Johann pour audiocité.net. Réconciliation. La passion amène la souffrance. Quelle puissance calmera le cœur oppressé qui a tout perdu? Où sont les heures si vite envolées? Vainement, tu avais eu en partage le sort le plus beau. Ton âme est troublée, ta résolution confuse. Ce monde sublime, comme il échappe à tes sens, soudain s'élève et se balance une musique aux ailes d'ange. Elle entremêle des mélodies sans nombre pour pénétrer le cœur de l'homme, pour le remplir de l'éternelle beauté. Les yeux se mouillent, ils sentent dans une plus haute aspiration le mérite divin des chants comme des larmes. Et le cœur ainsi soulagé s'aperçoit bientôt qu'il vit encore, qu'il bat et voudrait battre pour se donner lui-même à son tour avec joie en pure reconnaissance de cette magnifique largesse. Alors se fit sentir, oh, que ce fut pour jamais, la double ivresse de la mélodie et de l'amour. Fin de Réconciliation.